Et si on retournait au module? Passe devant, je te suis. Inutile de fuir. Vous êtes à ma merci. Tu sais que t'as presque réussi à nous faire peur, petit gars. Vous auriez dû être terrifié. Car je suis Lord Ferté, maître pirate des rois des sept mers. On se calme là, à quoi vous jouez? Ligotez-moi ces touristes et balancez-les au fond d'un trou. Vous pouvez pas faire ça, on est des finalistes nous aussi. Ben justement, comment est-ce que vous croyez qu'on a réussi à se qualifier pour Oban? Une équipe d'adversaires en moins, c'est un pas de plus vers mon trésor. Le prix ultime. Lâchez vos armes et venez vous battre comme des hommes. Je vais tous vous écraser. Jordan! Ça fait mal, ça. Parfait. Personne ne les retrouvera jamais ici. Vous plaisantez, là? Vous allez quand même pas nous faire ça? On vous a rien fait. Adieu, mon ange. J'aurai une pensée émue pour toi lorsque je remporterai le prix ultime. Ah, vous n'êtes qu'un monstre, un monstre, un assassin! Merci pour le compliment. Qu'est-ce que vous attendez? Matelot, finissez-en!